Le dirigeant suprême Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec les participants à la 4e conférence des secrétaires d'organisation primaire de l'Union de la jeunesse exemplaire de l'armée populaire de Corée. Il a félicité chaleureusement les secrétaires d'organisation primaire de l'Union de la jeunesse et autres cadres de la jeunesse au sein de l'armée populaire qui, en tant que défenseurs, propagandistes et exécuteurs actifs de l'idée du Parti du Travail de Corée privilégiant les jeunes, invitent les militaires à accomplir des hauts faits héroïques et à faire preuve sans réserve de l'intelligence et du courage de la jeunesse dans tous les postes de la défense de la patrie et les importants secteurs de l'édification d'une puissance socialiste. Il s'est montré convaincu que les participants à la conférence feront des organisations primaires de l'Union de la jeunesse de l'armée populaire le rang d'avant-garde d'élite endurcie dans la révolution de Sun Gun au niveau de la demande de la transformation de toute l'armée par le Kim Il-sunisme, Kim Jong-ilisme et rempliront à merveille leur mission et devoir sacré assigné au nom de l'époque et de la révolution à la tête du mouvement des jeunes coréens et il s'est fait photographier en souvenir avec eux. À la prise de vue, on prépare les cadres responsables de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée, y compris Fang Byung-soo.